comme nous disions. Nous sommes le lundi 13 avril 2015. Et c'est Anexia. comme l'air, en suterreur. Il y a longtemps que vous attendiez ça, et ben ça y est. Comme ça, vous pourrez causer et gagner vos soirées d'hiver. Je suis dans une spirale sans fin, je déteste me lever le matin, la même sale gueule à toutes les heures, ça rend bien malsain, mes insomnies prennent toute la place, mes putains de crises d'angoisse, je trouve même plus la force de me plaindre, tellement ça me lasse. À force tourner en rond, cherche l'apaisement dans un trou sans fond, médecine douce ou dure, y'a zéro solution, l'insouciance fut trop courte, et puis j'ai mal au crâne, une lame dans la gorge, des bribes de souvenirs diaphanes, au confinement des ombres, du manque infinitif, se pavanent en grand nombre, les pannes de l'affectif, marcher seul face au vent, ne pas se retourner, cracher sur le tour. Finir par se relever comme la pierre, je me range du côté de la falaise. Et au détour du comptoir, pas là pour te mettre à l'aise. Que veulent dire la noirceur et les ténèbres de ses yeux de braise? Qu'un sied fait de la torpeur au point mort de son antithèse. On crèvera avant d'être vieux, vu ça arrive qu'on mène ici. On sert à rien et c'est tant mieux. Passe ton chemin, fais ta vie. Chez nous les tièdes font 3 secondes avant de sombrer dans l'oubli. On a la mémoire sélective. Passe ton chemin, fais ta vie. On crèvera avant d'être vieux, vu ça arrive qu'on mène ici. On sert à rien et c'est tant mieux. Passe ton chemin, fais ta vie. Chez nous les tièdes font 3 secondes avant de sombrer dans l'oubli. On a la mémoire sélective. Passe ton chemin, fais ta vie. Tu te demandes pourquoi je me sens toujours sur la brèche. C'est qu'à force de trop d'émoi, le cœur casse et puis ça sèche. Des années que je me démène, que je me force à sourire quand même. Loin d'un quelconque réconfort, j'en fais pas tout un problème. Ma gueule blême, en guise de réflecteur et de disquette, sortie du congélateur. J'essaie de garder cap, plus d'une corde à mon arc. J'évite que mon moral se sape, mais à force les années te marquent. À force de coups de bâton, d'empoisonnement à la source, la cible se confond dans l'enchaînement de la course. Tracer ma route, je suis faite pour ça. Désolé si ça te vexe, la solitude me dérange pas. J'évite les faux sourires annexes, je tise au bar, ouais ça m'arrive. Si tu me vois en pleine dérive, m'adresse pas la parole. T'étonnes pas si je suis agressive. J'ai un chaos dans la gueule, je manque de temps, laisse-moi seul. J'ai trop de trucs à faire pour leur offrir ce qu'ils veulent. Je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la bonne famille. On crèvera avant d'être vieux, vu ça arrive qu'on mène ici. On sert à rien et c'est tant mieux. Passe ton chemin, fais ta vie. Chez nous les tièdes font 3 secondes avant de sombrer dans l'oubli. On a la mémoire sélective. Passe ton chemin, fais ta vie. On crèvera avant d'être vieux, vu ça arrive qu'on mène ici. On sert à rien et c'est tant mieux. Passe ton chemin, fais ta vie. Chez nous les tièdes font 3 secondes avant de sombrer dans l'oubli. On a la mémoire sélective. Passe ton chemin, fais ta vie. Je vis dans une nuit sans phare, je déteste m'endormir le soir. Les mêmes sales gueules à tous les rades, ça en devient dérisoire. Mes parano prennent toute la place, mes putains de crises d'angoisse. Et des têtes de nœuds pour me le rappeler à chaque fois que je me déplace. J'ai tué l'espoir d'un jour avoir un peu d'air abonné aux embrouilles de connards quand on fait leur carrière. Une poignée de cons à décevoir, ils s'en remettront. J'ai pas le sentiment d'avoir trahi ma trajectoire, ni mon son. Y'a pas de précarité choisie, si ce n'est celle de l'esprit. Que je tente de calmer trop souvent au gré de mon taux d'alcoolémie. S'il y a qu'une route, je préfère les ronces au chemin tout tracé. Je bégère l'official underground, vos hipsters, vos taspés. Autant dire que je vous emmerde, votre médiocrité me lasse. À vous porteurs de bannières, à vous porteuses de strass, je me branle d'emprunter le chemin de la victoire. Chanterai pas à ta bête de teuf, je préfère rester au comptoir. On crèvera avant d'être vieux, vu le sabri qu'on mène ici. On sert à rien et c'est tant mieux. Passe ton chemin, fais ta vie. Chez nous les tièdes font 3 secondes avant de sombrer dans l'oubli. On a la mémoire sélective. Passe ton chemin, fais ta vie. On crèvera avant d'être vieux, vu le sabri qu'on mène ici. On sert à rien et c'est tant mieux. Passe ton chemin, fais ta vie. Chez nous les tièdes font 3 secondes avant de sombrer dans l'oubli. On a la mémoire sélective. Passe ton chemin, fais ta vie. Je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Dans Annexia, un enregistrement de Charles Penquin et les conspirateurs du hasard, un mouvement live exécuté le 6 avril 2015 au Pavillon Sauvage à venir. Du 6 avril 2015 au Pavillon Sauvage de Charles Penquin et des Conspirateurs du Hasard sera suivi par la première partie de ce spectacle exécuté par Christophe Sibeller Construct et Baptiste Brunello. Mais d'abord, Charles Penquin au Pavillon Sauvage le 6 avril 2015 et les Conspirateurs du Hasard live en différé. Thank you. Les gens, mais pas pire ici qu'ailleurs, c'est des gens. L'air, le calme, les trous, les crabes au-dedans, les cloches, le sable et l'eau, les mouettes, puis voilà quoi. Je me méfie de l'écriture comme des gens. Les humains, c'est copinage et compagnie. Les humains, j'y crois encore, mais c'est des gens. C'est des gens en merde, les humains. C'est Dieu qui dit ça, mais Dieu j'y crois pas en tant que femme. Même Dieu déguisé en femme, c'est pas possible. J'ai croisé des juifs, des chrétiens, des musulmans. C'est la même histoire, ça permet de tenir. Et moi je tiens pas à tenir, ou alors je tiens, ça me fait pas tenir. Je suis face à l'église, la jauge est pleine. Les cloches, comme spectacle. Succès garanti à chaque représentation, même si on est mauvais. À la sortie, je croise quelqu'un comme ça, je pensais qu'elle allait pas me reconnaître. Je regarde mon sac en plastique. Elle me regarde. Bonjour Camille. Moi je regarde mon sac en plastique. Il y avait un vieux blanc. Elle a appelé le blanc et elle m'a dit dans un autre blanc, nous sommes. C'est les vacances. Je l'ai rassuré, je lui ai dit oui de Pâques. Les blancs sont plus éloquents. Moi je regarde mon sac en plastique. Des fraises, des guinguettes, des fraises d'Espagne et du sud-ouest. On peut faire 2 heures là-dessus, il faut libérer la parole. Un flot, une vague de paroles. L'air, la mer, les mouettes. Un flot de paroles encore et puis les blancs, oui c'est ça, un bon vieux blanc. Et puis un autre, et ainsi de suite, jusqu'à plus soif, jusqu'à voir l'horizon. Il y a des chants qu'on n'entend plus, des chants, des chansons, des musiques, tout en musique, le tout qu'on n'entend plus, ça passe d'un côté puis d'un autre de notre vie, de notre corps n'entend plus rien, le corps mis en musique, la vie. La vie qui n'entend plus, pas une seule note pour elle ou lui, pas une seule note qui pénétrera la vie de ce corps, pas un seul son, une seule note. Il y a comme ça des chants ou des notes de musique qu'on connaît bien, mais on les connaît trop bien, on sait trop à présent ce que ça veut dire, ce que ça représente pour nous. Pour nous, c'est l'irreprésentable, on ne peut plus se placer devant tel chant ou tel son, encore telle musique, toujours la même, ça on ne peut plus terminer, on ne veut plus avoir affaire à ces chansons, c'est notre corps. Agit comme ça, le corps fait la sourde oreille. Dans son entièreté, le corps refuse d'un bloc tout son ou toute musique. Lui ou celui ou celle qu'il connaît bien, il connaît que trop bien, il connaît trop depuis longtemps ses sons, ses musiques, ses cœurs, ses larmoiements ou ses morceaux moins faciles. Il est devenu trop facile, maintenant le corps n'en peut plus, il s'est trop gavé. Il peut le corps, s'il veut, mettre quelle musique, faire passer quel son, il le peut, mais il restera hermétique. Ça sera juste un geste coutumier. Geste qui restera, seul le geste compte, car il est rempli d'habitudes. Le corps se nourrit d'habitudes, mais ce sont des habitudes de gestes. C'est toute une gestualité, comme une gymnastique journalière. Le corps a ses habitudes, alors le corps peut pousser le bouchon jusqu'à émettre des sons ou se passer de la musique. Le corps peut pousser la chansonnette. Ou alors, il peut aussi mettre en route la musique, se faire le coup de l'élément quotidien. Il peut encore se le faire croire, mais ça dure pas 5 minutes, à peine moins de 5, 2 minutes, 2 malheureuses petites minutes, à revenir à ses amours, revenir à une quelconque conférence, aller dans un endroit connu, pour se faire croire qu'on va se promener, qu'on part en voyage. Tout ça, c'est des mensonges. Le corps se ment, le corps veut plus rien, il fait obstacle au voyage, le corps bouge plus, il est comme mort, il est en vie mais mort. Tout ça, il n'y croit plus, à la chansonnette. Ou au voyage, la balade au gré des sons. Ce sont ses sons, il les connaît que trop. Et tous ces sons le dégoûtent le corps. Car jamais ça l'emmenait vraiment ailleurs. Et même si ça l'emmenait ailleurs, il a toujours fallu revenir, revenir à son état de corps, c'est-à-dire à son état de bouchon. Un bouchon de cérumen que tout corps. Tout corps est un bouchon de cérumen. Tout corps est un obstacle à l'œuvre, à toute œuvre. Il n'y a pas un corps qui ne soit un obstacle, pas un individu formé d'un corps. Tous les individus sont des obstacles à l'œuvre, l'œuvre chantée ou chantonnée, ou alors chantonnée pour mieux détruire l'œuvre, mais finalement l'annuler, annuler même l'idée de chantonnement. Tout chantonnement est une bise en bière de l'œuvre musicale, et tout individu formé d'accord, semble de toute manière à foutre en l'air l'idée d'œuvre, quelle que soit l'œuvre, c'est-à-dire quelle que soit la chance comporte corps de se libérer, toute chance, et être mort pour le corps, il n'y a pas la possibilité d'un corps, il faut qu'il débarrasse le plancher, pour laisser entrer l'air, la possibilité d'un air, la possibilité d'une œuvre qui rentrerait par l'air, n'importe quel air, le chant, n'importe quel chant, du moment que cet air soit nouveau, du moment que cet air arrive, pour tuer un corps, et c'est ça qu'il faut, que l'œuvre lui débarrasse une bonne fois, du corps, plus d'individu, un individu en moins, égale une possibilité de renouveler l'air, sinon l'air est impossible, il y a partout des impossibilités d'air, et pourquoi il y a des impossibilités d'air? Parce qu'il y a des corps, et par-dessus marcher des corps, par-dessus ça, des individus dedans, des individus, c'est comme des pourchants, ce sont des impossibilités d'air, chaque individu est un empêchement à l'air, au début, on pense que non, au début, on pense que chaque individu est fait d'air, c'est-à-dire de possibilités, que tout est possible avec l'individu, et c'est pour ça qu'on invente l'amour, et l'amour, ça se chante, les plus beaux chants sont des chants d'amour, ou alors ce sont des chants de mort, mais c'est un peu la même chose, dès qu'il y a mort, il y a possibilité amoureuse, dès qu'il y a un corps qui s'en va, qui dégage la piste, il y a une ouverture, donc, il y a de l'amour, en préparation, l'amour, c'est pas la, c'est la possibilité d'un air neuf, mais au bout du compte, on voit bien que c'est toujours la même musique, l'air n'est jamais neuf, l'air est ici dans l'amour, il n'y a pas la possibilité du neuf, il y a la possibilité, mais le neuf ne dure pas, ce n'est pas dans sa vocation, ce n'est pas dans sa vocation de durer, le neuf meurt, le neuf meurt, le neuf meurt, le neuf meurt, le neuf meurt, le neuf meurt. Plus vite que tout corps, il n'y a pas un corps qui n'a reçu une seule nouveauté. Toutes les nouveautés sont venues mourir sur le corps. Toutes les nouveautés ont formé au fur et à mesure du temps une boule, un pudent, et ce fut le pudent de la nouveauté. Et c'est ça que le corps a prédigé plus quand il réentend ses nouveautés. C'est comme s'il voyait le pudent de l'amour. L'amour tout neuf, tout nouvellement intégré sur la piste, c'est déjà pour lui un amour qui sent la mort. Il n'y a pas d'amour vrai, c'est qu'il y a l'amour de l'individu. L'individu qui a pris sur le corps, l'individu se dit qu'il n'y a seulement que des emmerdements, que tout vrai amour est une mise en pierre pour soi-même. Tout amour vrai est un coup de vache contre soi-même. Et c'est comme ça qu'on renouvelle les corps, par les plus foireux de l'amour et par les coups de vache de l'art, de la musique notamment, qui sont les cinq coups portés à l'existence. Mortel porté aux individus, mais on a raison de porter du coup mortel à l'individu, quel qu'il soit, même le plus grand mélomane, est un individu, et donc un corps, et donc une possibilité de pourrissement, seul le pourrissement est possible, pour le corps, pas de libération, pas de prise d'air, aucune prise d'air n'est possible, même pour l'individu, le plus amoureux, le plus mélomane, le plus artiste, le plus averti en tout cas, il n'y a aucun individu averti dans le monde au bout du compte, ou alors seulement averti par son corps, averti de son corps, averti du pourrissement de l'être par lui, par le corps qu'il n'a pas désiré mais qu'il aura, et qui finira par mettre sous terre, le corps mettra sous terre, toute velléité d'ouverture, toute volonté de prendre le large, le corps mettra sous clé, toute envie de foutre le camp, de prendre la poudre d'escampette, de loin du corps, pour chanter, pour se mesurer enfin à l'air, pour être enfin dans la pensée pure et dans l'air, car l'air et la pensée pure, c'est ça qui lui fait mettre debout nos individus, mais tout de suite, tout est rassis, c'est comme un commandement, on commande à l'aide de se rasseoir, et se rasseoir, c'est épouser la forme de l'assise, c'est-à-dire du tombeau, c'est-à-dire comprendre enfin ses os, comprendre enfin le sol, comprendre enfin qu'il faut voir que ça, et s'asseoir indéfiniment le cul dessus, et ne plus bouger d'un iota, ne plus se mouvoir dans d'autres pensées que celle-là, il faut sauver sa peau, et sauver sa peau, c'est en finir une bonne fois avec l'illusion de l'individu, car tout individu est une sorte de chantonnement, c'est-à-dire une sorte de balbutiement de ce que pourrait être un corps véritable. Ce Notamachou bien œuvre, il digère tout l'individu, il digère tout ce qui se présente à lui et qui ferait œuvre, tout ce qui se présente à lui comme salut, le salut à son corps, le seul et unique salut. Il fera tout pour le laisser passer et chantonnera comme ça dans sa perte. C'est sa perte qu'il désire l'individu, le relâchement. Il se relâche, il perd les pédales, il s'écrase sous le poids de la vie. Et donc il laisse passer toute possibilité de vivre autrement sa vie, son être. Il ne veut pas de l'être. Il ne désire qu'une chose, son propre écrasement. Sa solution écrasée, c'est son mouvement. Son mouvement, c'est aller se ratatiner quelque part, un jour ou l'autre, et le plus tôt sera mieux. C'est ça qu'il se dit, l'individu. Et tout individu est un coup porté à l'existence. Il n'y a pas d'existence possible avec l'individu. Tout de suite, ça sera fini de l'espérance. Tout de suite, les promesses s'effacent, car c'est l'individu lui-même qui crée ses propres promesses, ses propres possibilités, pour ensuite les détruire. Il veut l'amour uniquement pour sa destruction, et non pour son élévation. Il veut l'amour uniquement pour voir se ratatiner toute espérance d'être et se relever. Il veut l'amour uniquement pour saper toute envie d'aimer. Voilà ce qu'il désire au bout du compte. Tout individu normalement constitué, et je ne parle pas des malades, ce ne sont pas les malades qui sont en cause. Bien souvent, les malades sont malades parce qu'ils ont pigé bien plus vite que l'individu lambda. L'individu lambda, lui, se presse à fourbir son outil de destruction généralisée. C'est pour ça qu'on enferme les malades, c'est pour ça que de tout temps, on a enfermé tous les malades qui voulaient la vie et qui se révoltaient. Et parmi eux, quelques-uns des artistes qu'on qualifie d'ailleurs de malades en tout point de la terre. Il y a des artistes qui se séparent de la foule des individus, rien qu'en prononçant des phrases, rien qu'en criant, ou rien qu'en chantant, rien qu'en musiquant, et rien qu'en écrivant, ou musiquant, ou peignant. Sur tout le globe, il y a des artistes comme ça, mais peu, trop vite malades, trop vite enfermés par leur propre individualisme, leur individualité individualiste. Et là, ils rejoignent les troupeaux des individus, les troupeaux très sages, qui à un moment donné va nous faire sauter dans le vide comme les troupeaux des moutons de Panurge. L'humanité, c'est le troupeau de Panurge. Donc il faut quitter le navire de l'humanité au plus vite. Ou alors on suicide, ou alors on va à fond dans l'air. On creuse, on fait que ça. On creuse jusqu'à plus soif, jusqu'à devenir noir, jusqu'à devenir tout noir de vivre, jusqu'à voir la lumière noire de la mort et la coller à ses contemporains. Jusqu'à plus voir que la mort en face, et s'en écarter, et sauter en s'écartant, s'écarter de la mort, de tout un chacun, et sauter dans la mort vraie, et la seule mort vraie, et la seule mort vraie, c'est la mort pour le corps, la seule mort valable, c'est la mort du corps, la mort de l'état de soi du corps, c'est-à-dire absence, c'est en finir avec l'absence de soi, noyé dans l'individu lambda. J'ai croisé ces êtres gens. Les gens venaient à la maison, je découvrais des nouvelles tantes, des cousines éloignées, les amis de mes frères. Il y avait des tas d'amis. Et tout le monde avait le sourire, tout le monde chantait, racontait des blagues, faisait des sketchs. On ne s'ennuyait jamais où qu'on puisse aller. On dansait, on se déguisait en femme avec les autres et on dansait. Tonton Gérard nous pelotait les seins et on rigolait. Tonton Aimé et Tonton Jean dansaient et on chantait et on rigolait. On voyait tous les gens tout près des baraques afriques. Les joueurs de boules, les parfums tout sourire et les dents qui dépassent. Les gens tout le temps dehors au pas de leur porte, sur des vélos ou à pied, les grosses mobilettes bleues et les farces continuelles. Tout le monde parlait et rigolait. Tout le monde était content d'être à la fête. C'était la fête continuelle des gens quand j'étais petit. Tous les gens de n'importe quel endroit, les femmes et leurs jupes droites, les hommes en pantalon tergal, les femmes qui tiennent des enfants, les hommes qui sautent au-dessus des plaques, au-dessus des vagues ou des plaques. Tout prêtait à rire, mes frères parmi les braves gens qui riaient. Tout prêtait à rire, tout le monde regardait les photographes amateurs. Les gens sortaient des grottes, mettaient des chapeaux mexicains. Tout le monde portait des chaînettes et des colliers à barbe. Tout le monde a une belle montre, une belle chemise d'été. L'été, les gens se promènent doucement, ils campent, ils n'ont pas d'histoire, ils font des barbecues, ils vont se baigner dans le fleuve, ou ils se font jeter de l'eau par surprise. Comme mon cousin qui pousse un cri, il a peur de l'eau, il est allergique, alors mon frère et mon beau-frère le jettent dans le fleuve. On sait pas qu'il aime pas l'eau, alors il est surpris. Mais tout le monde finit par rigoler et par se baigner, tout le monde. Et les gens se promènent, ils sont tranquilles, les gens, ils font des collections de bêtes. Mon frère attrape une menthe religieuse, il y a aussi des papillons, la nature est partout. La lavande embaume tout le paysage, la quatrelle peine un peu dans les côtes. Les villages sont tous accueillants, les courses à sac, les pommes de pain, les enfants roulent partout où ils peuvent. On joue au sable, on trouve des bouts de squelettes. Il y a des animaux partout, des moutons, des chevaux partout, et des pâtures partout, des chemins pavés partout. La pluie est partout aussi. Et puis le beau temps, les temps se bousculent, les gens meurent, les oncles et les tantes. Tout le monde est mort ou à l'hôpital, la maladie, les lotissements, le bruit des tondeuses, les arbres coupés, la vie chère. Tous unis contre la vie. Toute notre vie, nous passons notre vie, toute une vie à jouir. Les cousins, je m'en souviens bien. Les cousins qui parlent de rien ou d'un petit peu tout. Les cousins qui parlent doucement. Les cousins parlent très gentiment et d'un petit peu tout. Du travail et puis du beau temps. Et les frères qui les écoutent avec bonhomie. Et tout le monde marche bien paisiblement dans les allées, les chemins, et se fait prendre en photo le dimanche au retour de la messe, où mon frère m'a fait rigoler en faisant des grimaces. Et lorsque le curé chante « Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. C'est à nouveau la liberté, je vais monter la rue Neuve. Ma sœur et mon beau-frère seront à l'apéro, et le cousin s'allongera sous la petite table du salon et se prendra une baffe. » Thank you. odeurs de manger et des odeurs qui venaient du vent, des odeurs des gens et de plantes. Il y avait plein d'odeurs de pluie, tout avait une bonne odeur quand on ouvrait la porte pour accueillir les oncles et les tantes qui venaient conduits par les cousins. C'était la fête, je prenais mon vélo, mon petit vélo, et je faisais visiter les marais du village et on rentrait pour prendre l'apéro. À la nuit tombante, les copains chantaient des chansons de scout du style mes oreilles. Quand elle serait-tu les ramasser, les entortiller ou bien les douer? C'est le chemin le plus droit pour en finir. Allez droit au mur, car personne n'osera. Nous sommes une sorte de porte-flambeau de la génération. Celle qui va droit au mur, mais qui ne le désire pas. Qui tergiverse. Qui fait mine de prendre des chemins dérivés. Des routes de traverse. Mais qui en fait suit la même ligne. Celle qui va droit au mur. Mais nous, nous avons décidé de le dire haut et fort. Nous y allons droit et avec prestance, la tête haute. Nous avons toujours été de cette génération. Et nous n'en sortirons pas, à moins d'en sortir la tête haute, en affirmant que les autres foulent ce que les autres foulent. Car personne n'osera, personne n'accepte ce fait très certain. Tout le monde est dans la fuite. Tout le monde subit l'invraisemblable fuite. Alors qu'aucune fuite n'est possible, nous allons droit au mur et nous irons gaiement. Nous ne pouvons faire que d'y aller gaiement. Car déjà, nous sommes une génération morte. Morte sur pied, la génération. À peine née qu'elle fut déjà morte. Car n'ayant rien à ajouter sur les précédentes. attendant qu'il se passe quelque chose. Ne serait-ce que dans les suivantes, mais les suivantes ne vont que nous suivre. Les suivantes sont des générations de suiveurs. Et aucune n'ira autant droit au mur que la nôtre. C'est notre point fort, c'est notre fierté à nous, si nous daignons l'accepter que d'aller droit au mur. Il faut donc faire le nécessaire pour y aller au plus vite. Il faut donc faire tout notre possible pour aller droit au mur. Et le plus vite sera le mieux, et la tête haute, s'il vous plaît. Il en va de notre génération, il en va de tout ce qu'on a cru défendre, tout ce qu'on a cru entreprendre, qui a pourri sur pied, qu'au moins le fait d'aller droit au mur ne soit pas un acte manqué, mais pleinement assumé qu'on aille droit au mur, la tête haute, comme des porte-flambeaux de tous ceux qui vont droit au mur, mais qui s'y refusent, qu'ils voient en cet acte impossible pour eux-mêmes, alors qu'ils n'est pas, ils peuvent pas le dire, ils sont pas sans dire que nous avons raison, que notre geste fut la raison même, la sagesse même, qu'aller droit au mur et notre seule voix, que cette voix-là nous appelait depuis le plus jeune âge et qu'il fallait en terminer avec les âges, tous les âges de tous ceux qui se refusaient à aller droit au mur, gratuitement à chaque génération. Il a fallu aller droit au mur, mais pas gratuitement, avec des prétextes, aller droit au mur, mais en évitant le mur, en inventant toute une foule d'excuses pour annuler le mur, que le mur ne soit plus un mur, qu'il n'y ait plus de mur, qu'on dise qu'il n'y ait plus de mur et qu'on en rajoute, car à force, les murs se sont rajoutés pour les générations. Les générations qui faisaient exploser les murs, elles auraient mis des murs, les murs explosés, et d'autres, elles les ont mis pour elles, et aussi pour nous, elles ont bâti des forteresses, les générations, à force d'annuler le mur, et de nous faire croire au possible, le possible du non-mur, alors qu'il n'y avait que l'impossible, et eux traitaient aussi de l'impossible, mais c'était l'impossible du mur, alors qu'il n'y a que le possible mur, ça, au moins, c'est possible, nous pouvons nous raccrocher à ce fait, nous allons droit au mur, et c'est notre seule ligne, notre seule véritable route qui nous mène à notre seul véritable endroit, le mur. Nous serons les porte-flambeaux de la génération qui va au mur. Coûte que coûte, nous n'aurons de cesse de réaffirmer notre volonté, c'est viscéral, c'est inscrit dans le corps de chacun, de tout à chacun, le tout à chacun générationnel. Il faut aller au mur, et rapidement s'il vous plaît, et nous prendrons les devants, nous irons en reconnaissance. Ensuite, la génération suivra, et toutes les générations de suiveurs, même celles d'avant, les générations d'avant, elles nous suivront, toutes les générations de suiveurs, d'avant qu'on se suive nous-mêmes, tout le monde ira au mur, car nous savons que notre destin était scellé d'avance. Depuis le plus jeune âge, nous allions droit au mur, qu'il n'y ait aucune échappatoire, tous les échappatoires qu'on a dressés pour nous empêcher, pour faire taire notre volonté, pour taire notre volonté d'en finir. Alors, on a inventé de stratagèmes pour nous contraindre à ne pas aller au mur. Maintenant nous voyons, maintenant nous sommes tout prêts, maintenant nous pouvons dire que nous sommes déjà morts. Nous sommes une génération en sursis mais déjà morte. Au fond d'elle ça sent le cadavre, au fond d'elle la génération fait ça. Elle sait qu'il n'y a plus rien à espérer, elle a douté au début. Au début elle a pensé se détourner de sa raison d'être. Au début on lui a fait prendre des chemins, mille chemins. Au début la génération a cru vaincre son mal. Au début la génération, comme toutes les générations d'imbéciles qui l'ont précédée et qui la suivront, elle a pensé qu'elle avait autre chose à dire à la tempête, elle n'a rien ajouté de plus, ou alors une ribambelle de faux semblants, une ribambelle d'attitude sans intérêt, une ribambelle de possible et d'aventure dans le possible, une ribambelle d'invention sans intérêt, avec beaucoup de blabla autour, une ribambelle de blabla. Voilà la vraie définition de notre génération, la ribambelle des blabla. C'est ça le nom de notre génération. La génération de la ribambelle, des blabla, rien d'autre à dire que du blabla. Et maintenant, il va falloir s'arracher à la vérité maintenant, il va falloir s'approcher à du réel peu de mesure, pas de mesure, hop, que la pure mesure, c'est-à-dire la vraie des mesures, et pour les générations, et les générations, nous passerons pour les porteurs du désespoir complet, nous passerons enfin pour ceux qui ont osé aller au mur, sans rien demander en retour qu'on aille au mur, et le plus tôt sera le mieux qu'on y aille, et qu'on n'en parle plus, qu'on n'en fasse même pas le tard, qu'on aille au mur, et qu'on en finisse avec toutes ces générations de détourneurs, ces générations de béni-oui-oui, ces générations d'incapables, ces générations, et la nôtre en particulier, de fausses trouvailles, et des fausses paroles, sauf la ribambelle des blabla, la génération qui blablate, alors qu'il y a autre chose à faire que blablater, il y a le mur, et point barre, pas d'alternative, ni d'atermoiement, une seule route est possible, un seul chemin, tout tracé pour nous et pour nous autres, pour tout à chacun, car tout à chacun le sait dans son corps intérieur. tout à chaque insecte nous allons mûr. Alors autant y aller la tête haute, sans que les jambes ne fléchissent, sans que le corps ne s'abaisse, sans que la tête ne rentre dans les épaules, sans que les bras ne mollissent. Nous irons sans plus finir, droit comme des ivres et plein de reculades. Car de toute façon nous savons que c'est peine perdue. La reculade, c'est remettre à demain. La reculade, c'est pour les faibles. La reculade, c'est pour tous ceux qui ignorent ce fait et qui tentent de l'ignorer. La reculade, c'est pour tous ceux qui ont tenté par toutes les manières d'éteindre notre volonté. La reculade, c'est pour tous ceux qui ont pensé nous éloigner de notre ambition. La seule, il faut en finir avec la reculade, avec les marches à reculons et tous les faux obstacles, ceux qui mettent des pièges dans votre pensée et ceux qui ne pensent qu'à piéger vos actes les plus purs. Il faut des actes purs, il faut des gestes, des actes et des gestes, des actes sans commune mesure. Il faut des actes décisifs et des paroles qui tombent comme des coups près. Et c'est pour ça qu'il nous faut aller droit au mur. C'est moi. C'est quasi mort. On n'en a plus pour longtemps. Ailleurs, c'était moins mort, mais ici, si vous voulez sortir le soir, c'est mort. Faut rester chez soi. Et même chez soi, c'est mort. La télé est morte. Vous voulez passer une bonne soirée ? Mais c'est la télé qui veut passer une bonne soirée. Du coup, elle dit c'est mort. Elle passe ses soirs ailleurs. On sait pas où. Certains savent où elle passe ses soirées, la télé. Pas chez moi, en tout cas. Chez moi, c'est mort pour la télé. Du coup, je la regarde. Je vois des gens sortir. Ils disent qu'ils sortent. Mais c'est pour faire un effort, pour dire d'être sortis. Il y en a comme ça qui sont morts de faire tant d'aller et venir pour rien. Les experts vous diront, ne sortez pas, surtout si c'est mort tout partout. Pas d'aller et venir inutile, restez chez vous, même si c'est mort. Ils le disent tous, les experts, à la télé. Ils peuvent être jeunes, les putes avec, elles peuvent être grosses, Il y a les gros, sur des putes jeunes, vieilles. Il y a les grosses putes vieilles, les jeunes putes grosses. Les jeunes putes qui suivent les putes vieilles. Et il y a les vieux cons qui veillent, ils sont tendance. Les vieux surveillent les jeunes putes qui ont un cul qui chope dans l'air. Les grosses viennent avec leurs enfants, les gros cons, grosses Afrique. Les grosses et les gosses de merde, de l'air bourré de fric et en chaleur. Tous se baladent, sont cuits, ont des gros culs, gros cons en balade dans les graineries d'art. Grosses putes à gros trous, on les emmerde, on les encule, les grosses putes à gros culs. Leurs trous sont trop cuits, on les emmerde, elles sont belles, aux belles salopes qui cuisent. Elles ont des grosses bouches, à foutre la merde, on les pelote, mais elles s'en foutent, elles t'emmerdent les grosses vaches. Ce qu'elles veulent, c'est te pomper le cul dans la galerie d'art ou dans la rue, dans toutes les rues d'art, les putes à galerie. Ce qu'elles veulent, c'est ta grosse queue, ta queue de gros con qui mouille en fric et qui balotte dans l'air, ta queue qui bande dans son mou. Mais toi, tu viens avec tes mômes, ces gros enculés de fils et de filles friquées, enculés de putes et pédés bourrés au sas, et qu'ils seront dans l'air à bander. Ils s'enculeront grassement un jour dans l'art, qui vont dur, ils baiseront les poufias et les connards, les cons de l'art à gros trous, les connards et les putes à pognon, les gros culs tout friqués, les gros culs friqués, et tous les gros culs qui se pressent, ils sont dans les gros culs à s'enculer, et se pressent dans l'air pour te voir, pour voir la grosse pute, la chatte, le gros pédé bourré aux as, le cul gros et faisandé, toi et ton cul de faiseur, c'est du faisant, il bande gras, il fait la roue, il est comme le temps, toi et ton cul d'art, fait la roue faisandée, ça pète, ça pue, ça attire les grosses mouches à merde, les mouches à pute, et les putes à merde, les charognes, et les faisans du pognon, les gros connards, faisant des fric, tout le monde est attiré par ta grosse mouche à merde, ta merde, à tous les vieux cons faisant des friquets ton cul, à mouche à merde pour les putes et les pédés consacrés, elles sentent comme les enculés connards, les mouches à merde, elles ressemblent à toutes ces grosses vaches sacrées qui font des pets plus forts que l'ozone, qui font des trous dans l'ozone de l'art, les vaches. Qui ont des culs de vache à chier et annuler l'ozone, ton air à toi, la grosse bourrique pleine de blé, toi et ton gros con bourrin qui pète, le pé qui pue dans tout le cul de la vache, ton cul qui est bourré aux as, les grosses connes te voient, les grosses connasses, elles voient ta bite et ton cul, elles t'envient, elles te voient, elles ne voient que du cul et bite, et elles te disent, je suce. Je te suce, tu évites et puis tu m'encules, connard, je te caresse les seins, mais d'abord je t'encule et te suce et tu vas dans le cul et tu pètes un bon coup. Connard, d'abord ton cul, connard, qui pète, puis la bite, ta bite, puis tout ça qui pète partout, tous les connards de l'art qui pètent de partout, et les connasses à gros cul, les grosses viandelles de chiasse à gros trous qui chauffent, la grosse chérie du monde en chaleur, tout ça qui balotte et tourne autour de ta bite artiste, ton cul artiste, ta mouche à merde et ton cul qui pète artiste, c'est de l'art. L'art des commissaires qui prisent avec le cul qui pète. Et moi je dis, je suis fan de ton cul à péter. Et moi je dis, je suis super fan et j'en pète. Et moi je dis, je suis super fan à mort dans mon cul qui pète tout gras, pé crémeux, tout fan du gras dans l'art. Et moi je dis, je suis super fan de la grosse vache et de son mac à mort dans les gros trous, son connard tout en l'air, je les aime. Les gros trous, les rôtis et les viandes avec les concepts à cul, je les aime. Et moi je dis à tous les gros et les gras dans l'art, les grasses et les grosses qui pètent, à toutes celles et tous ceux, à toutes les celles et tous les ceux qui sucent dans l'art, à toutes les pompes afriques qui sucent, toutes les celles et ceux, les suiveurs à gros trous qui puent et qui font des grosses merdes de vaches, car ils ont tous des gros trous crémeux à vous suivre, ils s'entre-suivent comme des crapauds, tous les suiveurs artistes à pomper et à branler, c'est la branlette artiste, car ils se branlent d'abord, et lorsqu'ils se touchent la bite, ils se racontent des salades en touchant la bonne bite, comme des grosses vannes à bourrer les culots, et les grosses vaches en pif, les grosses vaches et les gros porcs qui crapotent, amener les marmites, boire dans les seaux, avaler, dégueuler, rembiter pareil, rien à biter mais rembiter, et remplir tous aux assiettes, jusqu'à la gorge, la lie, remplie, à plus causer, gosier en goitre, plus savoir quoi, ni qu'est-ce, et qu'est-ce à don, et quoi que foutre, quoi que se le mettre encore, sous le dentier, la glotte, la sous-dentrière, quoi plomber jusqu'à plus foutre, quoi dire, et quoi penser, rien à penser, tous au buffet, grosses vaches et leurs maris, les maris couillus, les gros membrés à pognon, les gros trous à grosse queue, avec tout ça qui pue et qui parle dedans, qui pue, qui parle et qui pète, tout ça qui prend ton cul pour une trompette. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net sur le www. C'était Charles Panquin et les conspirateurs du hasard le lundi 6 avril au Pavillon Sauvage. C'est Anexia. is the face of violence into the hands of fire. Through your once proud ears ring the fighting screams of his own dead lips. He is the car on the highway, smashed into the silent steel. Dying throat. He is the color of your blood. His are the words trailing in rushing clouds and treetops. You hear his songs from under his black Thank you. Au tout début de l'automne, je me souviens, il y avait des feuilles mortes et des bombes à cartables plein les trottoirs. Elle s'est mise à décliner. Et pas en douceur, mais bien vite, bien fort. Tout s'est dégradé d'un coup. Concentration, mémoire biographique et immédiate, comportement, tout est parti en couille. Et les toubibs ont eu beau tenter tout ce qu'ils voulaient, ça n'a changé que d'elle. Je continuais à m'occuper d'elle le samedi soir et le dimanche matin. Mais ça n'était plus pareil. Fallait la nourrir à la cuillère et lui essuyer le menton. Elle ne comprenait plus rien à ce qui se passait à la télé. Des fois, elle avait des crises de colère, ou se mettait à pleurer, faisait des cauchemars, avait des peurs soudaines. C'était un calvaire, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je n'allais pas la laisser tomber, c'était ma mère, et je l'aimais. Et il fallait bien que je m'occupe d'elle, même si c'était un crève-cœur de la voir se disloquer sous mes yeux. Et un soir, un truc est arrivé. J'étais en train de lui donner à manger quand elle a eu une sorte d'absence, une hébétude. Je sais pas trop comment appeler ça, un violent coup de pompe. D'un coup, ses yeux sont devenus vides et sa bouche pendante, de la purée a coulé. Je l'ai appelée, mais en pure perte, elle était sourde et aveugle, n'était plus de ce monde, avait plongé tout droit, tout au fond de son puits. J'ai reposé la fourchette et me suis mise à flipper. La toute première crise, celle qu'il avait laissée sur le carreau pendant 15 jours et l'avait envoyée à la clinique, ça avait commencé comme ça. Alors j'ai eu peur que ce soit le même truc, le même genre d'attaque, qu'un nouveau plomb ait grillé dans sa tête et qu'elle soit devenue un légume, claque, sans prévenir, entre la mousseline et la vache qui rit, en écoutant Drucker et Alain Souchon. Pendant une minute, mon cœur a cessé de battre, et puis le truc a passé. Elle est revenue à la vie, elle a mastiqué sa bouche vide, et m'a regardé avec une douceur un peu ahurie, enfin comme d'habitude. Et moi je lui ai souri niaisement, essuyé le menton. J'étais entre la crise de larmes et la crise cardiaque. La soirée a continué. Je me suis plus ou moins tranquillisé, on a fini le repas. J'ai installé ma mère dans le canapé et me suis occupé de la vaisselle en vitesse. C'est quand je l'ai rejointe que le deuxième incident s'est produit. Elle m'a regardé tendrement m'asseoir à côté d'elle et s'est aussitôt allongée sur moi, la tête posée sur mes cuisses. Elle m'a remercié pour la vaisselle. Un grand sourire doux en travers de la figure, les yeux pleins d'amour. Merci Laurent, elle a dit. Et là je te jure que mon cœur a raté un battement, j'en suis resté comme deux ronds de flanc. Sans déconner, j'ai failli en tomber du canapé. Elle me prenait pour son mari. Elle me confondait avec mon père, enfin mon père, avant que je naisse, avant qu'il ne foute le camp sans demander son reste, et disparaisse complètement de nos vies, mon père, vu le regard qu'elle venait de me lancer, quand elle et lui étaient encore amoureux. Je réfléchissais à tout berzin, que je faisais du calcul mental, tandis qu'elle, l'œil plus vif que jamais, se concentrait sur les conneries à la télé, Patrick Sébastien, fou de joie. Mon père avait foutu le camp quand j'avais 3 ans. Depuis ma naissance, ça allait mal entre eux. Donc là, dans sa tête, je n'étais pas encore né, disons qu'on était 1 an avant ma naissance. Ma mère venait de se catapulter 29 ans en arrière. Désormais, dans sa tête, elle en avait 35. Quand l'heure est venue d'aller se coucher et que je ne suis pas allé au lit avec elle, je peux te dire qu'elle m'a regardé bizarrement. Putain, je savais pas où me foutre et la situation a failli tourner au vraiment n'importe quoi. Mais je m'en suis tiré avec un bobard à la con. Et puis bon, elle était de toute façon quand même pas mal d'éclair malgré son voyage dans le temps. J'ai passé une sale nuit. Le lendemain, rien n'avait changé. Quand il a fallu que je la ramène à la clinique, elle a tapé une crise, une vraie crise. Elle s'est mise à hurler que je voulais l'interner pour pouvoir la tromper tranquillement. Je l'avais appris son fric, que j'étais un salaud et j'en passe. Les infirmiers ont halluciné. Et sans la piqûre de calmant qui lui ont donné de force, on y serait encore. Le directeur m'a reçu dans son bureau. Je lui ai expliqué. Et surtout, j'ai voulu savoir si c'était permanent, est-ce qu'il fallait faire d'ici à ce que ça passe. Il m'a répondu qu'il n'en savait rien, qu'il allait réfléchir et en parler au psychiatre qui s'occupait de ma mère et que dans quelques jours, on y verrait plus clair. Je suis retourné chez moi inquiet de tout ça. Il est ressorti qu'en effet, on pourrait forcer ma mère à voir la réalité en face. Mais que d'une part ce serait pour elle très douloureux, et que d'autre part, cette régression biographique s'était accompagnée de l'amélioration de ses capacités, donc il fallait poursuivre cette fiction. Et de toute façon, ma mère élaborerait un scénario pour justifier son enfermement. D'après le psychiatre, la folie obéissait au même désir de cohérence interne que la santé mentale, quitte à, pour l'obtenir, avoir recours aux constructions les plus alambiquées. Le week-end suivant, je n'ai pas pu la voir. Elle avait giflé et griffé au visage une jeune suicidaire qu'elle avait accusée d'être ma maîtresse, enfin, la maîtresse de mon père. Le directeur avait décidé de la placer 8 jours en isolement. Ils m'ont expliqué que ça n'était pas grave, que c'était un ajustement, qu'il fallait continuer à jouer le jeu. Et c'est ce que j'ai fait. Week-end après week-end. Un samedi après l'autre, nous avons joué au mari et à la femme. Dans sa tête, elle n'était pas chez les dingues et les séniles, mais dans un sanatorium pour soigner ses poumons. Et c'est ce qui expliquait, selon elle, qu'on ne puisse ni dormir ensemble, ni rien. Je sais ce que tu vas dire. C'est complètement débile et sans doute malsain, mais ça marchait pour elle et ça me suffisait. Depuis des mois que je voyais ma mère mutique, apathique, aller de pire en pire, au point de ne plus manger, boire, se laver, pisser, chier sans aide. Alors crois-moi que l'avoir retrouvé la pêche et la parole, crois-moi que pouvoir à nouveau me promener en ville avec elle et bouffer au restaurant était inespéré. Et si le prix à payer en était une espèce de mensonge un peu stupide et délirant, eh bien soit. Un soir, elle avait l'air d'aller encore mieux que d'habitude, les choses sont vraiment parties en couille. On a passé au théâtre une chouette soirée. Elle resplendissait, disant de moi un bavard comme une pie. Elle a même piqué un fou rire. Je ne me suis pas méfié quand elle a insisté pour qu'on dorme ensemble. Pour une fois, qu'est-ce que ça pouvait faire? Non, je ne me suis pas méfié, et en plus, ça me rappelait quand j'étais tout petit que mon père nous manquait, et qu'on dormait ensemble, qu'on pleurait ensemble, que nous nous consolions. Bon, je ne vais pas tourner autour du pot, tu commences à te douter de ce qui s'est passé, de ce que je vais te dire. Oui, j'ai couché avec ma mère. Voilà, merde, je l'ai dit. J'ai couché avec ma mère. J'ai eu une relation sexuelle avec ma mère. Âgée de 65 ans, moi de 31, alors qu'elle pensait avoir la trentaine et que j'étais son mari, qu'elle ne savait pas qu'elle était folle, mais croyait souffrir d'une maladie pulmonaire. Écoute, pense ce que tu veux de moi. Et ça n'est pas pour me justifier que je te dis ça. Mais de mon point de vue, cette femme n'a pas couché avec son fils. De mon point de vue, les choses sont un peu différentes. Cette femme, de mon point de vue, cette femme a couché avec son mari. Et moi, je n'ai pas couché avec ma mère, j'ai couché avec une folle pour maintenir une fiction qui la rendait heureuse et lui permettait de lutter contre la maladie, de lutter plus efficacement que n'importe quel traitement administré par n'importe quel toubib. Bien sûr, je n'ai pas parlé de ça à l'hôpital. En fait, depuis cet événement, j'ai évité d'avoir trop de contact avec eux. Quant à ma mère, je lui ai dit de rester discrète et qu'il ne fallait pas que ça se sache, parce qu'ils exigeaient le repos, ne voulaient pas qu'elle se fatigue, enfin tu vois l'idée. Nous avons recommencé, plusieurs fois. Nous avons à la fin pratiquement vécu comme mari et femme, plusieurs jours d'affilée, quelquefois la semaine entière. À l'hôpital, il me faisait confiance. Il trouvait que je m'occupais bien d'elle. Et puis, son état s'est dégradé en quelques jours à peine, et elle est morte. C'était brutal. J'ai passé les dernières heures à son chevet. Elle ne me reconnaissait plus. Elle n'arrivait plus à fixer son regard. Elle ne rompait le silence que pour prononcer des phrases incompréhensibles. Je lui parlais, mais elle ne m'entendait pas. Et puis elle est morte. Et je ne sais pas ce qui me manque le plus. Ma mère, ou cette femme avec qui j'ai vécu une histoire d'amour. Thank you. texte suivant s'appelle Tapis jute dans la 64. La première fois que j'ai vu grand-père se branler, c'était un vendredi soir. Le lendemain serait mon 14e anniversaire que nous fêterions en famille autour de mon plat préféré, de la langue de bœuf sauce piquante. La fête avec les copains serait pour le samedi suivant. J'avais été réveillé en pleine nuit par l'envie d'aller aux toilettes. En passant devant la cuisine, j'ai aperçu de la lumière et entendu marmonner grand-père. Au lieu d'ouvrir la porte et lui demander si tout allait bien, grand-père, ancien résistant, avait survécu à Auschwitz et il lui arrivait encore de faire d'horribles cauchemars. Il avait parfois besoin de réconfort, nous l'aimions tous beaucoup, et depuis qu'il était veuf, il ne se passait pas une semaine sans que nous l'appelions au téléphone. Je me suis arrêté et j'ai collé mon oreille à la porte. C'était exactement comme s'il parlait à quelqu'un. Sa voix était agressive, bizarre. J'ai entrebâillé la porte, à la fois inquiet et curieux. Grand-père était debout devant le frigo ouvert, dont seule la veilleuse éclairait la pièce, son pyjama aux chevilles. Dans une main, il tenait le plat de béchamel, où les quatre étaient figés, et dans l'autre son sexe à moitié bandé qu'il trempait dans l'épaisse sauce, tout en se masturbant. Ses yeux étaient exorbités, je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Il semblait s'adresser à un interlocuteur imaginaire, il avait l'air de perdre la boule. Je suis resté sans rien faire, figé, épouvanté, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il éjacule dans la sauce en poussant des grognements plus forts. Le visage rouge est congestionné, trois grosses giclées que j'ai entendu faire ploc, ploc, ploc dans la béchamel. Mon visage à moi complètement défait. Après quoi, il a remis dans le frigo le plat et a essuyé sa queue et les gouttes de sauce qu'il y avait au sol. Je suis retourné dans ma chambre en catimini, toute envie de pisser avait disparu. J'ai passé une nuit et une matinée bizarre à retourner tout ça dans mon cerveau. À midi, tout le monde s'est réjoui en voyant le plat en porcelaine rempli de sauce blanche et fumante et les points vert foncé qui flottaient dedans, et grand-père souriant encore plus que les autres. Et bien alors qu'elle plus ma sauce, maman et ma mère, en voyant la tête que je faisais, j'ai eu du mal à me recomposer un visage normal, du mal aussi à terminer mon assiette. Cette histoire a tourné un moment dans ma tête et puis je suis passé à autre chose. Jusqu'à cette nuit, environ 3 mois après mon anniversaire, où nous avons tous dormi chez lui. Il était question de faire un barbecue le lendemain. Le premier de l'année, on était en avril, il faisait déjà beau. Quand il a fait grincer la porte de sa chambre, ça m'a réveillé. Il faisait nuit noire. J'ai décidé de le suivre. Je lui ai laissé un peu d'avance pour qu'il ne me remarque pas. Il s'est rendu à la cuisine. Il a ouvert le frigo, pris le Tupperware, l'a posé sur le plan de travail et a ôté le couvercle. Ensuite, il a baissé son pyjama et saisi dans le Tupperware un pilon de poulet qui dégoulinait d'huile d'olive et d'épices. Il bandait déjà. Il s'est penché en avant, agrippé d'une main au plan de travail et de l'autre, s'est enfoncé le pilon dans le cul et a poussé un gémissement. Alors tu viens, connard ? Il a dit. Je me suis figé, la bouche asséchée d'un coup, mais j'ai vite compris que ça n'était pas à moi qu'il parlait tout seul, ou à quelqu'un qu'il était seul à voir comme l'autre fois. J'étais trempé de sueur et j'avais le cœur qui tambourinait. Il m'avait fichu la trouille de ma vie. Pendant ce temps, il continuait à se besogner avec le pilon. Ça a duré plusieurs minutes. Sa queue dressée tapait contre le plan de travail et de l'huile colorée d'épices lui coulait sur les cuisses. Allez, viens, salopard, montre-toi, t'es pas timide d'habitude. Regarde le beau chibre que j'ai pour toi, ordure. Il avait les jambes toutes blanches et poilues, le cul ridé et des toux fraîches, il sortait de l'arrêt. Il a laissé tomber par terre le premier pilon et en a pris 2 autres. Il avait le trou du cul assez dilaté pour pouvoir les enfoncer tous les deux simultanément. Il était maintenant à 4 pattes et faisait face à la porte. J'avais peur qu'il me voie, mais il était dans un état second, le regard fou, le visage rouge, en sueur, effrayant. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de sa bite. Elle était d'une horrible couleur aubergine, dressée contre son ventre blanc. J'étais fasciné, il était à genoux, cambré, et s'enculait à 2 mains avec les pilons, projetant partout des gouttes d'huile. De l'huile, il en avait plein les mains jusqu'aux poignets. Ah, tu es là, salopard ! Tu es là, hein ? Ça te plaît ? Ça te plaît de voir ça ? Non, ça te plaît pas, pas vrai ? Tu aimerais bien ne pas venir, hein, mais c'est plus fort que toi, pas vrai? Il n'avait pas de dentier. J'avais envie de pleurer. Regarde-moi quand je te parle, connard. Il a crié ça d'un coup. J'ai sursauté. J'ai pensé à mes parents. Quel cauchemar. Maintenant, il était debout devant le frigo et se frottait le visage et le corps avec des côtes de porc crues. Les léchait. Pour finir, a pris sa bite en sandwich entre deux tranches de bœuf et a joui comme ça, en voyant son sperme au hasard dans le réfrigérateur et poussant des gémissements de malade mental. Je suis retourné me coucher, écœuré et triste. Je n'ai pas réussi à me rendormir. Je pensais à Auschwitz. Il n'en avait jamais parlé. Il ne se mettait jamais torse nu en public, ni même en manches courtes. Il ne voulait pas montrer son tatouage de déporté. De la résistance, il ne parlait pas non plus. C'était un sujet tabou. Tout ce que je savais, c'est qu'il avait été communiste avant la guerre et pendant l'occupation. Et qu'après l'épuration, il avait déchiré sa carte du parti et sa carte de vote. Et ne s'était plus jamais inscrit sur une liste électorale. De temps en temps, des journalistes entraient en contact avec lui, ou des étudiants en histoire. C'était un des derniers survivants après tout. Mais il les conduisait systématiquement, et rarement de manière polie. J'essayais de m'imaginer ce qu'il avait vécu là-bas. Je n'y parvenais pas. Quand vers midi, j'ai senti l'odeur des côtes de porc et des pilons de poulet commençant à grésiller sur les braises, le mélange d'odeurs de viande, de graisse, d'épices. Je n'ai pas pu me retenir, j'ai foncé aux toilettes pour y vomir. J'ai passé tout l'après-midi dans ma chambre, après avoir assuré à mes parents que tout allait bien, que ça n'était pas la peine de gâcher le repas pour ça, que j'allais juste dormir un peu et que ça passerait. Par la fenêtre, que j'avais pris soin de fermer, malgré le soleil, pour ne pas continuer de sentir l'odeur de la viande en train de griller, je les entendais discuter. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Plus tard, dans l'après-midi, alors que mes parents faisaient la sieste, grand-père est entré dans ma chambre. Il est venu s'asseoir sur mon lit, mon cœur s'est mis à accélérer. Il m'a regardé avec une intensité effrayante. Il a posé sa main sur ma cuisse, et ça n'était pas du tout la main fragile d'un vieillard. Sa poigne était sévère, et il me faisait mal. Tu vas voir, petit, tu vas voir. La prochaine fois, je vais te montrer quelque chose. Tu vas comprendre quelque chose, je vais te montrer. Tu as ce qu'il faut. Je l'ai vu dans ton attitude hier soir. Le week-end prochain, tu seras avec moi, petit, tu verras. Tes parents se font une sortie en amoureux. Il n'y aura que toi et moi. Il a souri. Il avait son dentier, ce qui rendait son sourire encore plus inquiétant. Ou alors c'est juste moi qui flippais. Je n'ai même pas réussi à ouvrir la bouche. Je ne lui ai rien répondu. Il a claqué sa main sur ma cuisse et s'est levé. À samedi prochain, petit. J'ai passé la pire semaine de ma vie. Je ne pensais qu'à ça. À l'école, j'entendais à peine ce que me disaient les autres. Je n'avais plus d'appétit, je ne dormais plus. J'ai essayé de me faire punir et consigner chez moi, mais rien à faire. Mes parents y tenaient trop, à leur foutu week-end en amoureux. À aucun moment, l'idée de leur raconter la vérité ne m'a traversé l'esprit. Comment raconter un truc pareil? Samedi a fini par arriver. Les parents m'ont fait la bise et m'ont laissé avec grand-père. Je me sentais comme un condamné à mort. J'ai entendu les portières claquer et la voiture partir. L'après-midi a passé exactement comme des gouttes qui tombent d'un robinet fermé, en mettant un temps infini à s'arrondir et à atteindre la masse critique, et d'un coup, ploc, elles le sont dans le lavabo. C'était exactement ça. Grand-père était au salon, il regardait la télé, dormait à moitié. Moi, dans le jardin, j'essayais de jouer à la console. J'essayais de penser à autre chose. Je me disais que j'avais mal compris, que j'avais mal vu. Je m'enfermais dans une sorte de sidération affolée, et j'avais le cerveau qui ne fonctionnait plus. Le soir, nous avons mangé de la purée maison, clin d'œil de la part de grand-père, très en forme. J'avais envie de hurler, de vomir, de pleurer, de tout casser, mais je ne bougeais pas un sourcil. Mon inertie faisait peine à voir. Je me suis retrouvé au lit, sans comprendre comment la journée avait pu finir. Je n'avais pour ainsi dire aucun souvenir. J'étais abasourdi, l'angoisse me frappait d'hébétude. Je m'imaginais fuir par la fenêtre, un drap pour me servir de corde, mais je ne pouvais pas bouger un muscle, j'étais paralysé. Je serrais les mains, je n'arrivais pas à réfléchir. Quand il a ouvert la porte de ma chambre, j'ai failli faire un malaise. « Viens à la cuisine avec moi. » J'ai obéi. Je ne pouvais pas me défendre. Il me dominait complètement, je ne sais pas pourquoi. Il était en pyjama, Il ne portait pas son dentier. Nous sommes arrivés à la cuisine. Rien n'avait pour moi plus de réalité. Ce que tu vas voir risque de te faire peur. Et il ne faudrait pas que tu fasses n'importe quoi. Alors je vais t'attacher. C'est au mot attaché que je me suis enfin réveillé. C'est là que je me suis débattu à coups de poing, à coups de pied, que je lui ai mis une bonne patate dans la gueule en hurlant et que j'ai échappé à sa prise. Mais quand je me suis rué vers la porte menant au jardin, il m'a eu d'un coup de bouteille en pleine tête. Une bouteille d'huile d'olive, une grosse en verre, bien pleine. Je l'ai vu quand je suis tombé, avant de perdre conscience. J'ai vu aussi le visage furieux de grand-père et le sang qui lui coulait du nez. Il en avait plein la bouche et sur le menton. Je me suis réveillé nu et avec un terrible mal de tête, ligoté à une chaise, ficelé comme un gigot, incapable de bouger. J'ai mis un moment à faire le point, ça bourdonnait dans mon crâne. Grand-père aussi était nu, il bandait comme un âne. Nous étions encore dans la cuisine. Sur la table, il y avait des tranches de jambon blanc, des œufs, une épaisse tranche de pâté, un tube de mayonnaise et une part de forêt noire. J'ai eu une vive envie de vomir que j'ai contenue. « Ah, tu es réveillé ?» il a dit. Il m'a souri avec sa queue dressée qui oscillait devant son ventre. Il avait les couilles couvertes de longs poils gris fer. Il m'a montré le tatouage qu'il avait sur l'avant-bras et m'a demandé d'un ton hystérique si je savais ce que ça voulait dire, si j'avais la moindre idée de ce que ça signifiait, la moindre idée des horreurs par lesquelles il était passé. Il hurlait, les yeux fous. « Non, tu ne sais pas ce que ça signifie, petit salaud, mais je vais t'apprendre, moi, je vais t'apprendre. » Et il a arraché au papier gras une tranche de jambon qu'il m'a écrasé sur la gueule, me coupant d'un coup la vue et la respiration, et a appuyé en continuant de gueuler pendant que j'avais l'impression de me noyer dans du rose chimique. Il avait la main ferme et puissante, pas du tout la pointe d'un vieillard. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Qu'est-ce qui se passait, nom de Dieu? Je sentais bien que j'étais pas au bout de mes peines. La pression de sa main s'est relâchée un instant et son visage l'a remplacé. La tranche de jambon s'est écrasée entre nous, suintant d'un jus aqueux et gras. J'ai senti la langue de grand-père traverser la fine pellicule de porc pour entrer dans ma bouche. Son haleine était dégueulasse. J'avais l'impression de me noyer, mais je ne pouvais rien faire. J'avais du jambon écrasé plein le nez. Je pouvais à peine respirer. J'avais sa main qui me broyait la nuque. Je n'y voyais rien d'autre que du rose. J'avais du jus gras qui me piquait les yeux. J'en avais qui me coulait dans la gorge. Grand-père m'a roulé une longue, longue pelle nerveuse et profonde, vautrée sur moi, sa bite battant contre ma hanche. Puis s'est détaché et j'ai pu reprendre mon souffle, j'ai pu y voir à nouveau. J'avais des morceaux de jambon collés au visage. Il bandait toujours autant. Il était tout rouge. Il avait l'air rajeuni et costaud. Il avait l'air plus grand, on aurait dit un ogre. Je commençais à perdre les pédales. Il s'est essuyé le visage, qu'il avait lui aussi plein de jambon écrasé et de salive, et aussi de sang séché. « Il ne nous nourrissait pas là-bas, » il a dit. « Il nous laissait crever de faim, et il nous sacrifiait aussi. Tu sais ce que j'ai vu là-bas? Tu sais ce que j'ai vu là-bas, espèce de petit merdeux? Espèce de petit merdeux bien nourri? J'ai vu le diable là-bas. Le diable, petit merdeux. Tu comprends ce que je dis? Tu crois que je suis en train de faire une métaphore à la con? Non, non, j'ai vu le diable, le vrai diable. » J'ai vu le diable pour de vrai avec sa peau cramée, ses cornes et ses griffes, ses pieds de bouc et sa queue, tu m'entends? Il venait dans les chambres à gaz, se branlait sur les agonisants, voilà ce qu'il faisait. Il était chez lui là-bas, chez lui. Il entrait, il sortait, il passait à travers les murs, venait à pied. Il aurait pu apparaître comme il voulait, ou venir en volant, ou surgir du sol, dans un nuage de fumée, mais non. Il venait à pied, il avait le temps. Il faisait aussi des petits tours dans les fours crématoires. Tu le sais? Tu le savais ça, petit merdeux? Que le diable faisait des petits tours dans les fours crématoires? Et qu'il violait les morts en train de brûler, tu le savais ça? Qu'il enculait les morts en train de brûler, tu le savais ça, petit merdeux? Ses yeux étaient remplis de larmes, il postillonnait, il bandait plus dur que jamais, le gland violet prêt à exploser. Je vivais un cauchemar absurde. Il a attrapé à pleine main la grosse tranche de pâté et l'a écrasé contre mon sternum. Ça a fait un bruit mouillé. Une écœurante odeur de charcuterie m'a rempli les narines. Il m'a tartiné tout le corps avec le pâté, insistant sur les cuisses, les couilles, la bite, et m'a branlé avec sa main pleine de matière à moitié liquide, en me hurlant dessus. « Alors, petit merdeux, tu bandes pas? Tu crois que c'est comme ça que tu vas le faire venir, Satan? Tu crois que c'est comme ça que tu vas le voir, le diable? Tu crois qu'il vient comme ça, sans qu'on fasse d'efforts? Il va falloir que tu y mettes du tien, petit merdeux. » J'avais le torse et le bas-ventre couverts de pâté. Il s'est frotté contre moi, le visage, la langue, la bite. Il gémissait de rage et de plaisir, tant et si bien que nous avons perdu l'équilibre et sommes tombés à la renverse. La chaise s'est cassée sous notre poids. Il s'est retrouvé allongé sur moi, sa bite pleine de pâté, glissant contre la mienne, pleine de pâté aussi, qui ne bandait toujours pas. Il a poussé un cri de rage et a attrapé à l'aveuglette l'assiette qui contenait la forêt noire. L'assiette et le gâteau se sont cassés la gueule. Il s'est mis à hurler à nouveau. « Mais tu vas bander, petit connard !» J'étais plus ligoté, mais j'étais incapable de me défendre. Il était beaucoup plus fort que moi, physiquement. Il m'a saisi au cou et étranglé. De l'autre main, il a pris des poignées de gâteau qu'il m'a enfourné dans le gosier. Je ne pouvais à nouveau plus respirer. J'ai eu une attaque de panique et j'ai cabré. Mais il s'est mis à califourchon sur moi et a enfoncé sa bite dans ma bouche. Il a baisé ma bouche en roulant des yeux et en bavant. Il a baisé ma bouche et dans ma bouche, il a baisé le gâteau. Et moi j'avais des voiles noires devant les yeux, le cerveau pas assez irrigué peut-être. Tu vas finir par le voir, oui ou merde ? J'avais des mouvements de gorge pour rejeter sa bite, mais rien n'y faisait. Je battais des bras au sol, j'étais en train de me noyer. J'avais des morceaux de gâteau et de pâté qui me coulaient dans l'œsophage, qui me remontaient dans le nez. Et il en rajoutait des poignées qu'il attrapait sans les regarder dans l'assiette brisée au sol. Et il me baisait la bouche de toutes ses forces, en gueulant toujours, un vrai rodéo, pendant que moi j'étais en train de crever. Tu vas bander, petit connard, tu vas bander, oui ou merde ? Sa voix s'est étranglée quand il a joui. Il a écarquillé les yeux. Ils étaient injectés de sang. J'ai senti son sperme gicler dans mon gosier. J'ai cru qu'il allait faire une attaque et moi perdre conscience. Il a continué à me baiser tout en jouissant. Ça projetait partout des miettes de gâteau gluantes et de salive. Je me sentais partir, mes yeux se révulsaient. Quand il s'est retiré, j'ai avalé une énorme goulée d'air, ce qui m'a fait avaler en prime tout ce que j'avais dans la bouche et en même temps m'étouffer et vomir. Il m'a fallu plusieurs minutes pour me remettre. Grand-père, pendant ce temps, hurlait après quelqu'un, l'insultait, lui disait de se montrer à moi aussi et j'ai compris qu'il parlait à Satan, tout en finissant de jouir sur mon torse, couvert de pâté, de génoise, de crème pétissière, de cerises écrasées. Je me suis demandé si j'allais survivre à cette nuit. Tu le vois ? Tu le vois ? Il faut que tu le vois ! Tout en me maintenant au sol à moitié mort, il a attrapé les œufs. Il faut que tu bandes pour le voir. Il faut que tu jutes pour le voir. C'est avec la nourriture que ça marche. Je me demande pas pourquoi. Tu crois que ça m'amuse ? Tu crois que ça m'a amusé de le voir se balader parmi nous dans le camp comme s'il était chez lui, comme si nous tous lui appartenions ? Tu crois que ça m'a amusé de voir ce qu'il faisait dans les chambres à gaz et de voir ce qu'il faisait dans les fours crématoires et dans les trains ? Tu crois qu'il n'y était pas non plus dans les trains ? Tu crois que ça m'amuse d'être le seul à le voir ? Le seul à lui tenir tête, le seul à le défier. Maintenant nous serons deux, petit merdeux. Maintenant tu vas m'aider de gré ou de force. Maintenant tu vas bander, petit merdeux. De gré ou de force, tu vas bander. Et tu vas voir le diable. Tu vas voir Satan, petit con de merde, petit merdeux. Il a explosé les œufs sur ma bite et mes couilles, mes gratignantes avec les coquilles. Et j'ai senti le liquide gluant recouvrir mes parties génitales, déjà emplâtrées de tout le reste. 5 ou 6 œufs il a cassé, en gueulant toujours. Et il s'est emparé de ma bite pour la branler et la sucer sans cesser de gueuler. Et à la fin, je ne sais pas comment ça se fait, mais à force qu'il passe et repasse sa langue sur mon gland, à force qu'il me suce et me suce et me suce, j'ai senti le sang affluer dans mon sexe. Grand-père a grogné de satisfaction et a délaissé un instant ma queue maintenant dressée pour saisir le tube de mayonnaise, l'ouvrir et en vider la moitié dans le creux de sa main. Il s'est écrasé sur le cul cette montagne jaune et à grand renfort de doigts, c'est suffisamment lubrifié le trou pour y faire entrer un tronc d'arbre. Mais c'était pas un tronc d'arbre qu'il voulait, c'était ma queue. Et que je vois Satan, ce qu'il n'arrêtait pas de répéter. Encule-moi, merdeux. Encule-moi pour voir le diable. Jute-moi dans le cul pour défier Satan. Il a gueulé ça en s'asseyant sur mon ventre et en chopant ma queue à pleine main pour l'enfoncer, gluante d'œufs crus, dans son cul débordant de mayonnaise chaude. C'est rentré son problème. Et moi j'étais ailleurs, dans un état second. C'est à peine maintenant si je me rendais compte de ce qui se passait. Alors j'ai vu Satan. Il était debout près de nous. Il nous regardait. Il était comme grand-père l'avait décrit. La peau rouge et brûlée, les cornes, la queue, les pattes de bouc. Son regard était à la fois triste et en colère. Grand-père s'est détaché de moi et s'est laissé rouler sur le dos. Il respirait comme une locomotive. Ma queue, gluante de mayonnaise tiède, terminait d'expulser les dernières gouttes de sperme. Tu vois, je te l'avais dit, petit merdeux. Regarde sa gueule. Regarde comme il fait la gueule. Et en effet, je voyais. Non seulement Satan était apparu, mais en plus, en effet, il était triste et en colère, déçu et frustré. Bref, oui, il faisait franchement la gueule. Grand-père avait raison. J'avais mal partout. Mon corps était couvert de nourriture écrasée et mélangée. Satan ne bougeait pas, ne disait rien, nous regardait dépité. Mais pourquoi la nourriture? J'ai fini par demander. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu le fasses dans la nourriture qu'on mange ensuite? Je sais pas, c'est comme ça. Il n'aime pas ça. Il déteste ça. Regarde sa tronche de con. Regarde sa tronche d'œil. Hein, mon con? Il s'adressait à Satan. Hein, t'es pas content, mon con? Allez, casse-toi maintenant, connard. On t'a assez vu. Tire-toi, connard. Tire-toi. À la prochaine. Il n'y a pas eu de plop, pas eu de bruit de tonnerre, rien. Simplement, Satan n'était plus là. Il n'y avait plus que nous deux. Allez, petit, va te doucher, va. On a bien travaillé, tu vas voir. On va lui donner du fil à retordre, ça oui. Je me suis appuyé sur mes coudes, éberlué, et j'ai cherché quelque chose à ajouter, mais il n'y avait rien à ajouter. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Je suis allé prendre une douche. Les années ont passé. Je me suis débrouillé pour voir grand-père le moins souvent possible, et en tout cas pour ne plus passer la nuit seul avec lui. Je me suis efforcé de ne plus jamais repenser à ces événements. J'avais 20 ans quand il est mort. Il m'a laissé un livre de cuisine, ce que j'ai pris pour une bonne blague de sa part, et une lettre dans laquelle, à demi-mot, il me demandait de continuer son œuvre. Il m'a fallu plusieurs mois pour trouver le courage de le faire, et je l'ai fait. Ça m'a fait drôle de revoir Satan. Il n'avait pas changé. Toujours aussi en colère, toujours aussi triste. Toute cette histoire ne lui plaisait pas, ça sautait aux yeux. Je me suis demandé si grand-père était en enfer ou au paradis. Je me suis demandé si tout ça existait, si Dieu existait. Et je me suis traité de con, j'avais Satan en face de moi, qui me regardait, qu'est-ce qu'il me fallait de plus? À 23 ans, j'ai terminé mes études d'hôtellerie. Oui. Je voulais devenir cuisinier, quoi de mieux pour faire chier Satan un maximum? Et à 35, j'ai ouvert mon restaurant. En cuisine, je travaille seul. Seul, pas vraiment en fait. Satan est là si souvent qu'on pourrait le prendre pour mon commis de cuisine. Il me regarde faire, muet, renfrogné, mélancolique, désapprobateur et peiné, un peu ridicule aussi, il faut bien l'avouer. Parfois, je lui parle, pas pour l'insulter comme le faisait grand-père, non. Juste pour engager la conversation, pour comprendre. Je suis curieux de tout ça, j'aimerais en savoir plus. Hélas, il ne répond jamais. Quand je lui pose des questions, il se contente de me regarder, de froncer les sourcils, comme s'il n'était pas sûr que je m'adressais à lui. Dans ces moments-là, il me fait penser à un animal de compagnie. Je sais qu'il m'entend pourtant, puisqu'il tourne toujours la tête vers moi quand je lui parle. Mais moi, je n'ai jamais entendu le son de sa voix, je n'ai jamais vu remuer ses lèvres. Il y a un mois, je me suis fait tatouer sur l'avant-bras le numéro de déporté de mon grand-père. Quand je me branle dans les plats, quand je jute dans les sauces ou sur les desserts, je le montre à Satan. Il a à chaque fois un violent mouvement de recul, comme un phobique, confronté par surprise à un serpent ou à une araignée. Et tandis que j'éjacule, sur le tour de dos ou bien dans la mousse au citron, en poussant un grognement de plaisir, une tristesse, plus grande encore que d'habitude, accable son visage. Au fond, elle me fait de la peine, je crois. Thank you. Merci beaucoup. Reanimated towards a narcissist, steaming with the stench of murder. blood just like a rush of blood to my erection. At the sight of your dissection, a blood frenzy thirst for me to hunger for relief. Knife blades pop the draining of your stomach acid. My throbbing penis navigating, there's no leaving semen in your colon. Till the next time my cock is swollen. C'était Anexia avec ce soir, lundi 13 avril 2015, Charles Penquin et les conspirateurs du hasard, Christophe Siebler, Construct, du lundi 6 avril au pavillon sauvage. Anexia, un lundi sur deux, à partir de 22h. Vous écoutez Canal Sud, 92.2 FM, canalsud.net.